party avec le concours de UFA Import à Lille et de Disco Parnasse à Paris. Salut bande de Boufoukesh, le commandant Cocteau, c'est OCTO dans la radio à bord du 20e Space Party. 20, un chiffre à retenir dans les annales. Space Party, le cauchemar frappe encore une fois et pour longtemps. Space Party, qui a réellement compris? C'est la question qui revient sans cesse, avec dans la première session du non-stop, Pills, Westbam, GTD, T99, Frankie Bones et Adam X, Dillinger, THK, Felix et Mental MXC. Space Party 1, le son du futur vous appartient. Space Party 1, le son du futur vous appartient. Vous appartient.

Party. Space Party sur Énergie. Énergie, si vous êtes un Space Partien averti, n'oubliez pas deux soirées Space. Une à Lyon, au Xiphos. Une soirée Power Max avec Barbecue Productions et System B en live. C'est le 21 novembre, samedi. Oui, c'est samedi. Et puis surtout, une autre soirée, une rêve, à l'école polytechnique de Palaiseau. C'est en région parisienne. Casimir Party, ça s'appelle. Casimir Party. Oh, voici venu le temps des rires et des chants dans l'île aux enfants. C'est tous les jours le printemps avec aux Technics. Il y aura DJ Freddy de Paris, Joachim G de System B, Interactive et le commandant Cocteau, qui sait, je sais pas. Space Party, deuxième session avec un groupe qui est numéro 1 dans mon cœur, Shaman, nouveau single Boss Drum. Il y aura aussi The Electrotet, Merlins, Pink, Synthesis, Pills, The Traveler, JC Deep. Le Space Party pour rêver encore une demi-heure. Encore une demi-heure. Rêvez comme vous voulez, saxo. Oh, décollage. shake your body. Three, two, four.

appartient. Le son du futur vous appartient. Énergie, le Space Party se termine. Le commandant Cocteau, COCTO de la radio, vous embrasse tous et dédie ce 20e Space Party à Claude Bourret qui m'a fait découvrir les ovnis, à Patrick Sabatier, pas pour le fond mais pour la forme, à Reactivate, au Space Partien de l'espace. Et surtout, sachez que la musique de Sauvage adoucit un cœur, tant soit-il dur. Space Party, le cauchemar ne fait que commencer. Space Party, essuyez vos pieds avant d'entrer dans l'OVNI. Les plus beaux ovnis, on choisit Space Party. Space Party, c'est de la musique de Sauvage. Space Party. Space Party, détruit aux ovnis. Space Party. Space Party, techno is not yet there. Space Dead, Space Dead, Space